Mais devant le flot qui se ruait, Madame Vincent hésitait à passer avec son cher fardeau. Il y avait par moments des rires autour d'elle. Ah, ce gâchis! Et toutes se retroussaient, s'en allaient. Puis, la cour se vidant un peu, elle se risqua. Quelle terreur de glisser dans les flaques, de tomber par cette nuit noire! Comme elle arrivait à la route qui dévale, elle remarqua des groupes de femmes du pays, aux aguets, offrant des chambres à louer, le lit et la table, selon les bourses. « Madame, demanda-t-elle à une vieille femme, le chemin pour aller à la grotte, s'il vous plaît. » Celle-ci ne répondit pas, proposa une chambre pas chère. « Tout est plein, vous ne trouverez rien dans les hôtels. Peut-être encore mangerez-vous, mais vous n'aurez certainement pas un trou pour coucher. » Manger, coucher, ah mon Dieu, est-ce que Madame Vincent y songeait? Elle qui était partie avec 30 sous dans sa poche, tout ce qui lui était resté après les dépenses qu'elle avait dû faire. « Madame, le chemin pour aller à la grotte, s'il vous plaît. » Il y avait là, parmi les femmes qui racolaient, une grande et forte fille, vêtue en belle servante, l'air très propre, les mains soignées. Elle haussa doucement les épaules, et, comme un prêtre passait, de poitrine large, le sang au visage, elle se précipita, lui offrit une chambre meublée, continua à le suivre en chuchotant à son oreille. « Tenez, finit par dire à Madame Vincent une autre fille apitoyée, descendez par cette route, vous tournerez à droite et vous arriverez à la grotte. » Sur le quai de débarquement, à l'intérieur de la gare, la bousculade continuait. Pendant que les pèlerins valides et les malades ayant encore des jambes pouvaient s'en aller, déblayant un peu le trottoir, les grands malades s'attardaient là, difficiles à descendre et à emporter. Et surtout les brancardiers s'effaraient, couraient follement avec leurs brancards et leurs voitures, au milieu de cette débordante besogne qu'ils ne savaient par quel bout commencer. Comme Berthaud, suivi de Gérard, passait en gesticulant, il aperçut deux dames et une jeune fille, debout près d'un bec de gaz, et qui paraissaient attendre. Il reconnut Raymonde, il arrêta vivement son compagnon du geste. « Ah, mademoiselle, que je suis heureuse de vous voir. Madame, votre mère se porte bien. Vous avez fait un bon voyage, n'est-ce pas ?» Puis, sans attendre, « Mon ami, monsieur Gérard de Perlongue. » Raymonde regardait fixement le jeune homme, de ses yeux clairs, souriant. « Oh, j'ai le plaisir de connaître un peu monsieur. Nous nous sommes déjà rencontrés à Lourdes. » Alors, Gérard, trouvant que son cousin Berthaud menait les choses trop rondement, bien résolu à ne pas se laisser engager ainsi, se contenta de saluer d'un air de grande politesse. « Nous attendons maman, » reprit la jeune fille. « Elle est très occupée, elle a de gros malades. » La petite madame des Agneaux, avec sa jolie tête blonde aux cheveux fous, se récria, dit que c'était bien fait, que madame de Jonquière avait refusé ses services. Et elle piétinait d'impatience, elle brûlait de s'en mêler, d'être utile. Tandis que madame Volmar, effacée, muette, se désintéressait, tâchait simplement de percer l'ombre, comme si elle eût cherché quelqu'un de ses yeux magnifiques, voilés d'ordinaire, où s'allumait un brasier. Mais, à ce moment, il y eut une poussée. On descendait madame Dieu l'a fait de son compartiment de première classe, et madame des Agneaux ne put retenir une plainte de pitié. Oh, la pauvre femme! C'était navrant, en effet, cette jeune femme, parmi son grand luxe, couchée avec ses dentelles comme en un cercueil, si fondue qu'elle semblait une loque, et gisant sur ce trottoir, dans l'attente d'être emportée. Son mari et sa sœur restaient debout près d'elle, tous les deux très élégants et très tristes, pendant qu'un domestique courait avec des valises, allait s'assurer que la grande calèche, commandée par télégramme, était bien dans la cour. L'abbé Judaine, lui aussi, assistait la malade. Et quand deux hommes la soulevèrent, il se pencha, lui dit au revoir, prononça quelques bonnes paroles qu'elle parut ne pas entendre. Puis, la regardant partir, il ajouta, en s'adressant à Berthaud qu'il connaissait, Les pauvres gens, s'ils pouvaient acheter la guérison. Je leur ai dit que l'or le plus précieux auprès de la Sainte Vierge était la prière, et j'espère bien avoir assez prié moi-même pour que le ciel se laisse toucher. Il n'en apporte pas moins un magnifique présent, une lanterne d'or pour la basilique, une véritable merveille enchâssée de pierreries. Que Marie Immaculée daigne en sourire. Beaucoup de cadeaux étaient apportés ainsi. D'énormes bouquets venaient de passer, un surtout, une sorte de triple couronne de roses montée sur un pied en bois. Et le vieux prêtre expliqua qu'il voulait, avant de quitter la gare, se faire remettre une bannière, don de la belle Madame Jousseur, la sœur de Madame Dieu l'a fait. Mais Madame de Jonquière, qui arrivait, aperçut Berthaud et Gérard. « Je vous en supplie, messieurs, allez à ce wagon, là, tout près. On a besoin d'hommes. Il y a 3 ou 4 malades qu'il faut descendre. Moi, je me désespère, je ne puis rien. » Déjà, après avoir salué Raymonde, Gérard courait, tandis que Berthaud conseillait à Madame de Jonquière de ne pas rester davantage sur ce trottoir, en lui jurant qu'on avait nullement besoin d'elle, qu'il se chargeait de tout, et qu'elle aurait ses malades là-bas, à l'hôpital, avant 3 quarts d'heure. Elle finit par céder, elle prit une voiture en compagnie de Raymonde et de Madame des Agneaux. Au dernier moment, Madame Volmar venait de disparaître, comme cédant à une brusque impatience. On l'avait vue s'approcher d'un monsieur inconnu, sans doute pour lui demander un renseignement. D'ailleurs, on allait la retrouver à l'hôpital. Devant le wagon, Berthaud rejoignit Gérard, au moment où celui-ci, aidé de 2 autres camarades, travaillait à descendre Monsieur Sabatier. C'était une rude besogne, car il était très gros, très lourd, et l'on croyait bien que jamais il ne sortirait par la portière du compartiment. Pourtant, il était entré. 2 brancardiers encore durent faire le tour par l'autre portière. On réussit enfin à le déposer sur le quai de débarquement. Le jour se levait, un petit jour pâle, et ce quai apparaissait lamentable avec son déballage d'ambulances improvisées. Déjà, la grivotte sans connaissance gisait là, sur un matelas, en attendant qu'on vînt la prendre, tandis qu'on avait dû asseoir contre un bec de gaz Madame Vêtue, souffrant d'une telle crise qu'elle jetait un cri à la moindre secousse. Des hospitaliers, les mains gantées, roulaient difficilement dans leur petite voiture, de pauvres femmes sordides, ayant à leurs pieds de vieux cabas. D'autres ne pouvaient dégager leurs brancards ou s'allonger des corps raidis, de tristes corps muets aux yeux d'angoisse. Et des infirmes, cependant, des estropiés, parvenaient à se glisser. Un jeune prêtre boiteux, un petit garçon avec des béquilles, bossu et amputé d'une jambe, qui se traînait parmi les groupes, pareil à un gnome. Tout un embarras s'était fait devant un homme courbé en deux, tordu par une paralysie, à ce point qu'il fallait le transporter, plié ainsi, sur une chaise renversée, les jambes et la tête en bas. Alors, l'effarement fut à son comble lorsque le chef de gare se précipita, criant « L'express de Bayonne est signalé! Dépêchons, dépêchons! Vous avez 3 minutes !» Le père Fourcade, dominant la cohue, au bras du docteur Bonamy, l'air gai, encourageant les plus malades, appela d'un geste Berthaud pour lui dire « Finissez de les descendre tous, vous les emporterez bien ensuite !» Le conseil était plein de sagesse. On acheva le déballage. Dans le wagon, il ne restait que Marie, qui attendait patiemment. Monsieur de Guersin et Pierre venaient enfin de reparaître avec les 2 paires de roues. Et en hâte, Pierre descendit la jeune fille, aidée seulement de Gérard. Elle était d'une légèreté de pauvre oiseau frileux. Il n'y eut que la caisse qui leur donna du mal. Puis les 2 hommes la posèrent sur les paires de roues qu'ils boulonnèrent. Et Pierre aurait pu emmener Marie, la rouler tout de suite, sans la foule qui l'entravait. « Dépêchons, dépêchons !» répétait le chef de gare. Lui-même aidait, donnait un coup de main, soutenait les pieds d'un malade pour qu'on le tirât plus vite d'un compartiment. Il poussait les petites voitures, déblayait le bord du trottoir. mais dans un wagon de seconde, une femme, la dernière à descendre, était prise d'une atroce crise nerveuse. Elle hurlait, se débattait. On ne pouvait songer à la toucher en ce moment. Et cet express qui arrivait, que signalait le tintement ininterrompu des sonnettes électriques. Il fallut se décider, refermer la portière, conduire le train sur la voie de garage, où il allait rester tout formé pendant 3 jours, en attendant de reprendre son chargement de pèlerins et de malades. Tandis qu'il s'éloignait, on entendit encore les cris de la misérable, qui seule avait dû y rester avec une religieuse, des cris de plus en plus faibles, des cris d'enfants sans force, qu'on finit par calmer. « Bon Dieu !» murmura le chef de gare. « Il était temps !» En effet, l'express de Bayonne arrivait à toute vapeur, et il passa dans un coup de foudre le long de ce trottoir pitoyable où traînait la douloureuse misère d'une débâcle d'hôpital. Les petites voitures, les brancards en furent secoués, mais il n'y eut pas d'accident. Les hommes d'équipe veillaient, écartaient des voies le troupeau affolé qui continuait à se bousculer pour sortir. D'ailleurs, la circulation se rétablit aussitôt, les brancardiers purent achever le transport des malades avec une lenteur prudente. Le jour augmentait, une aube limpide qui blanchissait le ciel, dont le reflet éclairait la terre, noire encore. On commençait à distinguer les gens et les choses. « Non, tout à l'heure !» répétait Marie à Pierre, qui cherchait à se dégager. « Attendons que le flot s'écoule !» Et elle s'intéressa à un homme de 60 ans environ, d'aspect militaire, qui se promenait parmi les malades. La tête carrée, les cheveux blancs et taillés en brosse, il aurait eu l'air solide encore, s'il n'avait point traîné le pied gauche qu'il jetait en dedans à chaque pas. Il s'appuyait, de la main gauche, sur une grosse canne. Monsieur Sabatier, qui venait depuis 7 ans, l'aperçut et s'égaya. « Ah, c'est vous, commandeur !» Peut-être s'appelait-il monsieur commandeur. Mais comme il était décoré et qu'il portait un large ruban rouge, peut-être le surnommait-on ainsi, à cause de sa décoration, bien qu'il fût simple chevalier. Personne ne savait au juste son histoire, et il devait avoir encore de la famille quelque part, des enfants sans doute. Mais ces choses restaient vagues. Depuis 3 ans déjà, il était à la gare, chargé d'une surveillance aux messageries, une simple occupation, une petite place, qu'on lui avait donnée par grande faveur, et dont le maigre salaire lui permettait de vivre parfaitement heureux. Frappé d'une première attaque d'apoplexie à 55 ans, il en avait eu une seconde 2 ans plus tard, qui lui avait laissé un peu de paralysie du côté gauche. Maintenant, il attendait la troisième d'un air d'absolue tranquillité. Comme il le disait, il était au bon plaisir de la mort, ce soir, demain, à l'instant même. Et tout Lourdes le connaissait bien, pour sa manie au moment des pèlerinages, l'habitude qu'il avait prise d'aller, tirant le pied et s'appuyant sur sa canne, à chaque train qui arrivait, s'étonner violemment et reprocher aux malades la rage qu'ils avaient de vouloir guérir. Il voyait depuis 3 ans Monsieur Sabatier. Toute sa colère tomba sur lui. « Comment ? Vous voilà encore ? Vous tenez donc bien à vivre cette exécrable vie ? Mais sacrebleu, mourrez donc tranquillement chez vous, dans votre lit ! Est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur au monde ?» Monsieur Sabatier riait, sans se fâcher, brisé pourtant par la façon rude dont il avait fallu le descendre. « Non, non, j'aime mieux guérir. »« Guérir, guérir, ils demandent tous cela. Faire des centaines de lieues, arriver en morceaux, hurlant de souffrance, et pour guérir, et pour recommencer toutes les peines, toutes les douleurs. Voyons, vous, monsieur, à votre âge, avec votre corps en ruine, vous seriez bien attrapé si votre Sainte Vierge vous rendait les jambes. Qu'est-ce que vous en feriez, mon Dieu ? Quelle joie trouveriez-vous à prolonger, pendant quelques années encore, l'abomination de la vieillesse ? Eh, pendant que vous y êtes, mourrez donc tout de suite ! C'est le bonheur ! » Et il disait cela non pas en croyant qui aspire à la récompense de l'autre vie, mais en homme là qui compte tomber au néant, à la grande paix éternelle de n'être plus. Pendant que M. Sabatier haussait les épaules, comme s'il avait eu affaire à un enfant, l'abbé Judaine, qui venait enfin de retrouver sa bannière, s'arrêta au passage pour gronder doucement le commandeur, qu'il connaissait lui aussi. « Ne blasphémez pas, cher monsieur, c'est offenser le ciel que de refuser la vie et que de ne pas aimer la santé. Vous-même, si vous m'aviez cru, vous auriez déjà demandé à la Sainte Vierge la guérison de votre jambe. » Alors le commandeur s'emporta. « Ma jambe, elle n'y peut rien, je suis tranquille. Et que la mort vienne donc, et que ce soit fini à jamais. Quand il faut mourir, on se tourne contre le mur et l'on meurt. C'est si simple. » Mais le vieux prêtre l'interrompit. Il lui montra Marie, qui les écoutait, étendue dans sa caisse. « Vous renvoyez tous nos malades mourir chez eux, même mademoiselle, n'est-ce pas, qui est en pleine jeunesse et qui veut vivre ?» Marie, ardemment, ouvrait ses grands yeux, dans son désir d'être, de prendre sa part du vaste monde. Et le commandeur, s'étant approché, la regardait, saisi brusquement d'une profonde émotion qui fit trembler sa voix. « Si mademoiselle guérit, je lui souhaite un autre miracle, celui d'être heureuse. » Et il s'en alla, continua sa promenade de philosophe courroucé, au milieu des malades, en traînant le pied et en tapant les dalles du fer de sa grosse canne. Peu à peu, le trottoir se déblayait. On avait emporté Madame Vêtu et la Grivotte, et ce fut Gérard qui emmena M. Sabatier dans une petite voiture, tandis que le baron Suire et Berthaud donnaient déjà les ordres pour le train suivant, le train vert qu'on attendait. Il n'y avait plus là que Marie, dont Pierre se chargeait jalousement. Mais il s'était attelé, il l'avait traîné dans la cour de la gare, lorsqu'ils remarquèrent que, depuis un instant, M. de Guersin avait disparu. Tout de suite, d'ailleurs, ils l'aperçurent en grande conversation avec l'abbé des Hermoises, dont ils venaient de faire la connaissance. Une égale admiration de la nature les avait rapprochés. Le jour achevait de paraître, les montagnes environnantes se montraient dans leur majesté, et M. de Guersin poussait des cris de ravissement. « Quel pays, monsieur ! Voici 30 ans que je désire visiter le cirque de Gaverny, mais c'est encore loin et si cher que je ne pourrais sûrement faire cette excursion. Monsieur, vous vous trompez, rien n'est plus faisable. En se mettant à plusieurs, la dépense est modique. » Et justement, je compte y retourner cette année, de sorte que si vous voulez bien être des nôtres... « Comment donc, monsieur ? Nous en recoserons. 1000 fois merci !» Sa fille l'appelait, il la rejoignit, après un cordial échange de saluts. Pierre avait décidé qu'il traînerait Marie jusqu'à l'hôpital pour lui éviter le transbordement dans une autre voiture. Les omnibus, les landaus, les tapissières revenaient déjà, obstruant de nouveau la cour, attendant le train vert. Et il eut quelque peine à gagner la route avec le petit chariot, dont les roues basses entraient dans la boue jusqu'au moyeu. Des agents de police, chargés du service d'ordre, pestaient contre cet affreux gâchis qui éclaboussait leurs bottes. Seules les racoleuses, les vieilles et les jeunes, brûlant de louer leurs chambres, se moquaient des flaques, les traversaient avec leurs sabots à la poursuite des pèlerins. Comme le chariot roulait plus librement sur la route en pente, Marie leva la tête pour demander à M. de Guersin qui marchait près d'elle. « Père, quel jour sommes-nous aujourd'hui ?»« Samedi, ma mignonne !»« C'est vrai, samedi. » Le jour de la Sainte Vierge. Est-ce aujourd'hui qu'elle me guérira ? Et derrière elle, furtivement sur une civière couverte, deux porteurs descendaient le cadavre de l'homme qu'ils étaient allés prendre au fond de la salle des messageries, dans l'ombre des tonneaux, pour le conduire en un lieu secret que le père Fourcade venait de désigner.